J'entends pas la musique, guitare électrique. J'entends pas la musique. Oh putain, c'est quoi le métronome? 180. Attention, attention. Infraction. 180, ça fait 90. Thank you.